Section 12. Troisième partie. Livre troisième. Entrée des Alliés dans Paris. Bonaparte à Fontainebleau. La Régence à Blois. Publication de ma brochure de Bonaparte et des Bourbons. Le Sénat rend le décret de déchéance. Hôtel de la rue Saint-Florentin. Monsieur de Talleyrand. Adresse du gouvernement provisoire. Constitution proposée par le Sénat. Arrivée du comte d'Artois. Abdication de Bonaparte à Fontainebleau. Itinéraire de Napoléon à l'île d'Elbe. Louis XVIII à Compiègne. Son entrée à Paris. La vieille garde. Faute irréparable. Déclaration de Saint-Ouen. Traité de Paris. La charte. Départ des Alliés. Première année de la Restauration. Est-ce aux royalistes qu'il faut s'en prendre de la Restauration ? Premier ministère. Je publie les réflexions politiques. Madame la Duchesse de Duras. Je suis nommé ambassadeur en Suède. Exhumation des restes de Louis XVI. Premier 21 janvier à Saint-Denis. Dieu avait prononcé une de ces paroles par qui le silence de l'éternité est de loin en loin interrompu. Alors se souleva, au milieu de la présente génération, le marteau qui frappa l'heure que Paris n'avait entendu sonner qu'une fois. Le 25 décembre 496, Reims annonça le baptême de Clovis, et les portes de Lutèce s'ouvrirent aux Francs. Le 30 mars 1814, après le baptême de sang de Louis XVI, le vieux marteau, resté immobile, se leva de nouveau au beffroi de l'antique monarchie. Un second coup retentit, les Tartares pénétrèrent dans Paris. Dans l'intervalle de 1318 ans, l'étranger avait insulté les murailles de la capitale de notre empire sans y pouvoir entrer jamais, hormis quand il s'y glissa, appelé par nos propres divisions. Les Normands assiégèrent la cité des Parisii. Les Parisii donnèrent la volée aux éperviers qu'ils portaient sur le poing. Eudes, enfant de Paris et roi futur, Rex Futurus, dit Abon, repoussa les pirates du Nord. Les Parisiens lâchèrent leurs aigles en 1814. Les Alliés entrèrent au Louvre. Bonaparte avait fait injustement la guerre à Alexandre, son admirateur, qui implorait la paix à genoux. Bonaparte avait commandé le carnage de la Moscova. Il avait forcé les Russes à brûler eux-mêmes Moscou. Bonaparte avait dépouillé Berlin, humilié son roi, insulté sa reine. À quelle représailles devions-nous donc nous attendre ? Vous l'allez voir. J'avais erré dans les Florides, autour de monuments inconnus, jadis dévastés par des conquérants dont il ne reste aucune trace, et j'étais réservé au spectacle des hordes caucasiennes campées dans la cour du Louvre. Dans ces événements de l'histoire qui, selon Montaigne, sont maigres témoins de notre prix et capacité, ma langue s'attache à mon palais. Adhéret lingua mea faucibus meis. L'armée des Alliés entra dans Paris le 31 mars 1814, à midi, à 10 jours seulement de l'anniversaire de la mort du duc d'Enghien, 21 mars 1804. Était-ce la peine à Bonaparte d'avoir commis une action de si longue mémoire pour un règne qui devait durer si peu ? L'empereur de Russie et le roi de Prusse étaient à la tête de leurs troupes. Je les vis défiler sur les boulevards, stupéfaits et anéantis au-dedans de moi, comme si l'on m'arrachait mon nom de Français pour y substituer le numéro par lequel je devais désormais être connu dans les mines de la Sibérie. Je sentais en même temps mon exaspération s'accroître contre l'homme dont la gloire nous avait réduits à cette honte. Toutefois, cette première invasion des Alliés est demeurée sans exemple dans les annales du monde. L'ordre, la paix et la modération régnèrent partout. Les boutiques se rouvrirent, des soldats russes de la garde, hauts de 6 pieds, étaient pilotés à travers les rues par de petits polissons français qui se moquaient d'eux comme des pantins et des masques du carnaval. Les vaincus pouvaient être pris pour les vainqueurs. Ceux-ci, tremblant de leur succès, avaient l'air d'en demander excuse. La garde nationale occupait seule l'intérieur de Paris, à l'exception des hôtels où logeaient les rois et les princes étrangers. Le 31 mars 1814, des armées innombrables occupaient la France. Quelques mois après, toutes ces troupes repassèrent nos frontières sans tirer un coup de fusil, sans verser une goutte de sang, depuis la rentrée des Bourbons. L'ancienne France se trouve agrandie sur quelques-unes de ses frontières, on partage avec elle les vaisseaux et les magasins d'Anvers, on lui rend 300 000 prisonniers dispersés dans les pays où les avait laissés la défaite ou la victoire. Après 25 années de combat, le bruit des armes cesse d'un bout de l'Europe à l'autre. Alexandre s'en va, nous laissant les chefs-d'œuvre conquis et la liberté déposée dans la charte, liberté que nous dûmes autant à ses lumières qu'à son influence. Chef des deux autorités suprêmes, doublement autocrate par l'épée et par la religion, lui seul de tous les souverains de l'Europe avait compris qu'à l'âge de civilisation auquel la France était arrivée, elle ne pouvait être gouvernée qu'en vertu d'une constitution libre. Dans nos inimitiés bien naturelles contre les étrangers, nous avons confondu l'invasion de 1814 et celle de 1815, qui ne se ressemblent nullement. Alexandre ne se considérait que comme un instrument de la Providence et ne s'attribuait rien. Madame de Staël, le complimentant sur le bonheur que ses sujets, privés d'une constitution, avaient d'être gouvernés par lui, il lui fit cette réponse si connue « Je ne suis qu'un accident heureux ». Un jeune homme dans les rues de Paris lui témoignait son admiration de l'affabilité avec laquelle il accueillait les moindres citoyens. Il lui répliqua « Est-ce que les souverains ne sont pas faits pour cela ?» Il ne voulut point habiter le château des Tuileries, se souvenant que Bonaparte s'était plu dans les palais de Vienne, de Berlin et de Moscou. Regardant la statue de Napoléon sur la colonne de la place Vendôme, il dit « Si j'étais si haut, je craindrais que la tête ne me tournât ». Comme il parcourait le palais des Tuileries, on lui montra le salon de la paix. « En quoi, dit-il en riant, ce salon servait-il à Bonaparte ?» Le jour de l'entrée de Louis XVIII à Paris, Alexandre se cacha derrière une croisée, sans aucune marque de distinction, pour voir passer le cortège. Il avait quelquefois des manières élégamment affectueuses. Visitant une maison de fous, il demanda à une femme si le nombre des folles par amour était considérable. « Jusqu'à présent, il ne l'est pas, répondit-elle, mais il est à craindre qu'il n'augmente à dater du moment de l'entrée de votre majesté à Paris. » Un grand dignitaire de Napoléon disait au czar, « Il y a longtemps, sire, que votre arrivée était attendue et désirée ici. »« Je serais venu plus tôt, répondit-il, n'accuser de mon retard que la valeur française. » Il est certain qu'en passant le Rhin, il avait regretté de ne pouvoir se retirer en paix au milieu de sa famille. À l'hôtel des Invalides, il trouva les soldats mutilés qui l'avaient vaincu à Austerlitz. Ils étaient silencieux et sombres. On n'entendait que le bruit de leurs jambes de bois dans leurs cours désertes et leur église dénudée. Alexandre s'attendrit à ce bruit des braves. Il ordonna qu'on leur ramenât 12 canons russes. On lui proposait de changer le nom du pont d'Austerlitz. « Non, dit-il, il suffit que j'aie passé sur ce pont avec mon armée. » Alexandre avait quelque chose de calme et de triste. Il se promenait dans Paris, à cheval ou à pied, sans suite et sans affectation. Il avait l'air étonné de son triomphe. Ses regards, presque attendris, erraient sur une population qu'il semblait considérer comme supérieure à lui. On eût dit qu'il se trouvait un barbare au milieu de nous, comme un Romain se sentait honteux dans Athènes. Peut-être aussi pensait-il que ces mêmes Français avaient paru dans sa capitale incendiée, qu'à leur tour ces soldats étaient maîtres de ce Paris où il aurait pu retrouver quelques-unes des torches éteintes par qui fut Moscou affranchie et consumée. Cette destinée, cette fortune changeante, cette misère commune des peuples et des rois, devait profondément frapper un esprit aussi religieux que le sien. Que faisait le vainqueur de Borodino ? Aussitôt qu'il avait appris la résolution d'Alexandre, il avait envoyé l'ordre au major d'artillerie Maillard de Lescours de faire sauter la poudrière de Grenelle. Rostopchine avait mis le feu à Moscou, mais il en avait fait auparavant sortir les habitants. De Fontainebleau, où il était revenu, Napoléon s'avança jusqu'à Villejuif. De là, il jeta un regard sur Paris. Des soldats étrangers en gardaient les barrières. Le conquérant se rappelait les jours où ses grenadiers veillaient sur les remparts de Berlin, de Moscou et de Vienne. Les événements détruisent les événements. Quelle pauvreté ne nous paraît pas aujourd'hui la douleur de Henri IV, apprenant à Villejuif la mort de Gabriel et retournant à Fontainebleau. Bonaparte retourna aussi à cette solitude. Il n'y était attendu que par le souvenir de son auguste prisonnier. Le captif de la paix venait de quitter le château afin de le laisser libre pour le captif de la guerre. tant le malheur est prompt à remplir ses places. La régence s'était retirée à Blois. Bonaparte avait ordonné que l'impératrice et le roi de Rome quittassent Paris, aimant mieux, disait-il, les voir au fond de la Seine que reconduits à Vienne en triomphe. Mais en même temps, il avait enjoint à Joseph de rester dans la capitale. La retraite de son frère le rendit furieux, et il accusa le ci-devant roi d'Espagne d'avoir tout perdu. Les ministres, les membres de la régence, les frères de Napoléon, sa femme et son fils, arrivèrent pêle-mêle à Blois, emportés dans la débâcle. Fourgons, bagages, voitures, tout était là. Les carrosses même du roi y étaient et y furent traînés à travers les bouts de la Beauce à Chambord, seul morceau de la France laissé à l'héritier de Louis XIV. Quelques ministres passèrent outre et s'allèrent cacher jusqu'en Bretagne, tandis que Cambacérès se prélassait en chaise à porteurs dans les rues montantes de Blois. Divers bruits couraient. On parlait de deux camps et d'une réquisition générale. Pendant plusieurs jours, on ignora ce qui se passait à Paris. L'incertitude ne cessa qu'à l'arrivée d'un roulier dont le passeport était contresigné Saken. Bientôt, le général russe, Chouvalov, descendit à l'auberge de la galère. Il fut soudain assiégé par les grands, pressé d'obtenir un visa pour leur sauve-qui-peut. Toutefois, avant de quitter Blois, chacun se fit payer sur les fonds de la régence ses frais de route et l'arriéré de ses appointements. D'une main, on tenait ses passeports, de l'autre, son argent, prenant soin d'envoyer en même temps son adhésion au gouvernement provisoire, car on ne perdit point la tête. Madame Mère et son frère, le cardinal Fesch, partirent pour Rome. Le prince Esterhazy vint chercher Marie-Louise et son fils de la part de François II. Joseph et Jérôme se retirèrent en Suisse, après avoir inutilement voulu forcer l'impératrice à s'attacher à leur sort. Marie-Louise se hâta de rejoindre son père. Médiocrement attachée à Bonaparte, elle trouva le moyen de se consoler et se félicita d'être délivrée de la double tyrannie de l'époux et du maître. Quand Bonaparte rapporta l'année suivante cette confusion de fuite aux Bourbons, ceux-ci, à peine arrachés à leur longue tribulation, n'avaient pas eu 14 ans d'une prospérité inouïe pour s'accoutumer aux aises du trône. Cependant, Napoléon n'était point encore détrôné. Plus de 40 000 des meilleurs soldats de la terre étaient autour de lui. Il pouvait se retirer derrière la Loire. Les armées françaises arrivées d'Espagne grondaient dans le Midi. La population militaire bouillonnante pouvait répandre ses laves. Parmi les chefs étrangers même, il s'agissait encore de Napoléon ou de son fils pour régner sur la France. Pendant 2 jours, Alexandre hésita. M. de Talleyrand inclinait secrètement, comme je l'ai dit, à la politique qui tendait à couronner le roi de Rome, car il redoutait les Bourbons. S'il n'entrait pas alors tout à fait dans le plan de la régence de Marie-Louise, c'est que Napoléon n'ayant point péri, il craignait, lui, prince de Bénévent, de ne pouvoir rester maître pendant une minorité menacée par l'existence d'un homme inquiet, imprévu, entreprenant, et encore dans la vigueur de l'âge. Ce fut dans ces jours critiques que je lançai ma brochure de Bonaparte et des Bourbons pour faire pencher la balance. On sait quel fut son effet. Je me jetai à corps perdu dans la mêlée pour servir de bouclier à la liberté renaissante, contre la tyrannie encore debout et dont le désespoir triplait les forces. Je parlai au nom de la légitimité afin d'ajouter à ma parole l'autorité des affaires positives. J'appris à la France ce que c'était que l'ancienne famille royale. Je dis combien il existait de membres de cette famille, quels étaient leurs noms et leurs caractères. C'était comme si j'avais fait le dénombrement des enfants de l'empereur de la Chine, tant la République et l'Empire avaient envahi le présent et relégué les Bourbons dans le passé. Louis XVIII déclara, je l'ai déjà plusieurs fois mentionné, que ma brochure lui avait plus profité qu'une armée de 100 000 hommes. Il aurait pu ajouter qu'elle avait été pour lui un certificat de vie. Je contribuais à lui donner une seconde fois la couronne par l'heureuse issue de la guerre d'Espagne. Dès le début de ma carrière politique, je devins populaire dans la foule, mais dès lors aussi je manquais ma fortune auprès des hommes puissants. Tout ce qui avait été esclave sous Bonaparte m'abhorrait. D'un autre côté, j'étais suspect à tous ceux qui voulaient mettre la France en vassalage. Je n'eus pour moi dans le premier moment parmi les souverains que Bonaparte lui-même. Il parcourut ma brochure à Fontainebleau. Le duc de Bassano la lui avait portée. Il la discuta avec impartialité, disant « Ceci est juste, cela n'est pas juste, je n'ai point de reproche à faire à Chateaubriand. Il m'a résisté dans ma puissance, mais ces canailles, telles et telles, et il les nommait. Mon admiration pour Bonaparte a toujours été grande et sincère, alors même que j'attaquais Napoléon avec le plus de vivacité. La postérité n'est pas aussi équitable dans ses arrêts qu'on le dit. Il y a des passions, des engouements, des erreurs de distance, comme il y a des passions, des erreurs de proximité. Quand la postérité admire sans restriction, elle est scandalisée que les contemporains de l'homme admiré n'eussent pas de cet homme l'idée qu'elle en a. Cela s'explique pourtant. Les choses qui blessaient dans ce personnage sont passées. Ses infirmités sont mortes avec lui. Il n'est resté de ce qu'il fut que sa vie impérissable. Mais le mal qu'il causa n'en est pas moins réel. Mal en soi-même et dans son essence, et surtout pour ceux qui l'ont supporté. Le train du jour est de magnifier les victoires de Bonaparte. Les passions ont disparu. On n'entend plus les imprécations, les cris de douleur et de détresse des victimes. On ne voit plus la France épuisée, labourant son sol avec des femmes. On ne voit plus les parents arrêtés en plège de leurs fils, les habitants des villages frappés solidairement des peines applicables à un réfractaire. On ne voit plus ces affiches de conscription collées au coin des rues, les passants attroupés devant ces immenses arrêts de mort, et y cherchant consternés les noms de leurs enfants, de leurs frères, de leurs amis, de leurs voisins. On oublie que tout le monde se lamentait des triomphes. On oublie que la moindre allusion contre Bonaparte au théâtre, échappée au censeur, était saisie avec transport. On oublie que le peuple, la cour, les généraux, les ministres, les proches de Napoléon, étaient las de son oppression et de ses conquêtes, las de cette partie toujours gagnée et jouée toujours, de cette existence remise en question chaque matin par l'impossibilité du repos. La réalité de nos souffrances est démontrée par la catastrophe même. Si la France eût été fanatique de Bonaparte, l'eût-elle abandonné deux fois brusquement, complètement, sans tenter un dernier effort pour le garder? Si la France devait tout à Bonaparte, gloire, liberté, ordre, prospérité, industrie, commerce, manufacture, monuments, littérature, beaux-arts, si avant lui la nation n'avait rien fait elle-même, si la République, dépourvue de génie et de courage, n'avait ni défendu ni agrandi le sol. La France a donc été bien ingrate, bien lâche, en laissant tomber Napoléon aux mains de ses ennemis, ou du moins en ne protestant pas contre la captivité d'un pareil bienfaiteur. Ce reproche qu'on serait en droit de nous faire, on ne nous le fait pas, cependant. Et pourquoi? Parce qu'il est évident qu'au moment de sa chute, la France n'a pas prétendu défendre Napoléon. Dans nos dégoûts amers, nous ne reconnaissons plus en lui que l'auteur et le contempteur de nos misères. Les alliés ne nous ont point vaincus. C'est nous qui, choisissant entre deux fléaux, avons renoncé à répandre notre sang qui ne coulait plus pour nos libertés. La République avait été bien cruelle, sans doute, mais chacun espérait qu'elle passerait, que tôt ou tard nous recouvrerions nos droits, en gardant les conquêtes préservatrices qu'elle nous avait données sur les Alpes et sur le Rhin. Toutes les victoires qu'elle remportait étaient gagnées en notre nom. Avec elle, il n'était question que de la France. C'était toujours la France qui avait triomphé, qui avait vaincu. C'était nos soldats qui avaient tout fait et pour lesquels on instituait des fêtes triomphales ou funèbres. Les généraux, et il en était de fort grands, obtenaient une place honorable, mais modeste, dans les souvenirs publics. Tels furent Marceau, Moreau, Hoche, Joubert, les deux derniers destinés à tenir lieu de Bonaparte. Lequel, naissant à la gloire, traversa soudain le général Hoche et illustra de sa jalousie ce guerrier pacificateur mort tout à coup après ses triomphes d'Atterticken, de Neuviède et de Clénister. Sous l'Empire, nous disparûmes. Il ne fut plus question de nous. Tout appartenait à Bonaparte. J'ai ordonné, j'ai vaincu, j'ai parlé. Mes aigles, ma couronne, mon sang, ma famille, mes sujets. Qu'arriva-t-il pourtant dans ces deux positions à la fois semblables et opposées? Nous n'abandonnâmes point la République dans ses revers. Elle nous tuait, mais elle nous honorait. Nous n'avions pas la honte d'être la propriété d'un homme. Grâce à nos efforts, elle ne fut point envahie. Les Russes, défaits au-delà des monts, vinrent expirer à Zurich. Quant à Bonaparte, lui, malgré ses énormes acquisitions, il a succombé, non parce qu'il était vaincu, mais parce que la France n'en voulait plus. Grande leçon, qu'elle nous fasse à jamais ressouvenir qu'il y a cause de mort dans tout ce qui blesse la dignité de l'homme. Les esprits indépendants de toute nuance et de toute opinion tenaient un langage uniforme à l'époque de la publication de ma brochure. Lafayette, Camille Jordan, Ducis, Le Mercier, Langevinet, Madame de Staël, Chénier, Benjamin Constant, Lebrun, pensaient et écrivaient comme moi. Langevinet disait « Nous avons été chercher un maître parmi les hommes dont les Romains ne voulaient pas pour esclaves. » Chénier ne traitait pas Bonaparte avec plus de faveur. Un Corse a des Français dévoré l'héritage, élite des héros au combat moissonné, martyrs avec la gloire à l'échafaud traîné, vous tombiez satisfaits dans une autre espérance. Trop de sang, trop de pleurs ont inondé la France, de ces pleurs, de ce sang, un homme est l'héritier. Crédule, j'ai longtemps célébré ces conquêtes, au forum, au sénat, dans nos jeux, dans nos fêtes. Mais lorsqu'en fugitif, regagnant ses foyers, il vint contre l'Empire échanger des lauriers, je n'ai point caressé sa brillante infamie. Ma voix des oppresseurs fut toujours ennemie. Et tandis qu'il voyait des flots d'adorateurs lui vendre avec l'État des vers adulateurs, le tyran, dans sa cour, remarqua mon absence, car je chante la gloire et non pas la puissance. Promenade 1803. Madame de Staël portait un jugement non moins rigoureux de Napoléon. Ne serait-ce pas une grande leçon pour l'espèce humaine si ses directeurs, les 5 membres du directoire, hommes très peu guerriers, se relevaient de leur poussière et demandaient compte à Napoléon de la barrière du Rhin et des Alpes, conquise par la République. Compte des étrangers arrivés 2 fois à Paris. Compte de 3 millions de Français qui ont péri depuis Cadix jusqu'à Moscou. Compte surtout de cette sympathie que les nations ressentaient pour la cause de la liberté en France et qui s'est maintenant changée en aversion invétérée. Considération sur la Révolution française. Écoutons Benjamin Constant. Celui qui, depuis 12 années, se proclamait destiné à conquérir le monde, a fait amende honorable de ses prétentions. Avant même que son territoire ne soit envahi, il est frappé d'un trouble qu'il ne peut dissimuler. À peine ses limites sont-elles touchées qu'il jette au loin toutes ses conquêtes. Il exige l'abdication d'un de ses frères. Il consacre l'expulsion d'un autre. Sans qu'on le lui demande, il déclare qu'il renonce à tout. Tandis que les rois, même vaincus, n'abjurent point leur dignité. Pourquoi le vainqueur de la terre cède-t-il au premier échec? Les cris de sa famille, nous dit-il, déchirent son cœur. N'étaient-ils pas de cette famille ceux qui périssaient en Russie, dans la triple agonie des blessures, du froid et de la famine? Mais tandis qu'ils expiraient, désertés par leur chef, ce chef se croyait en sûreté. Maintenant le danger qu'il partage lui donne une sensibilité subite. La peur est un mauvais conseiller, là surtout où il n'y a pas de conscience. Il n'y a dans l'adversité comme dans le bonheur de mesure que dans la morale. Où la morale ne gouverne pas, le bonheur se perd par la démence, l'adversité par l'avilissement. Quel effet doit produire sur une nation courageuse cette aveugle frayeur, cette pusillanimité soudaine, sans exemple encore au milieu de nos orages? L'orgueil national trouvait, c'était un tort, un certain dédommagement à n'être opprimé que par un chef invincible. Aujourd'hui, que reste-t-il? Plus de prestige, plus de triomphe, un empire mutilé, l'exécration du monde, un trône dont les pompes sont ternies, dont les trophées sont abattus, et qui n'a pour tout entourage que les ombres errantes du duc d'Enghien, de Pichegru, de tant d'autres qui furent égorgés pour le fonder. Note de l'esprit de conquête. Édition d'Allemagne, Chateaubriand, fin de note. Ai-je été aussi loin que cela dans mon écrit de Bonaparte et des Bourbons? Les proclamations des autorités de 1814 que je vais à l'instant reproduire n'ont-elles pas redit, affirmé, confirmé ces opinions diverses? Que les autorités qui s'expriment de la sorte aient été lâches et dégradées par leur première adulation. Cela nuit aux rédacteurs de ces adresses, mais n'ôte rien à la force de leurs arguments. Je pourrais multiplier les citations, mais je n'en rappellerai plus que 2 à cause de l'opinion des 2 hommes. Béranger, ce constant et admirable admirateur de Bonaparte, ne croit-il pas devoir s'excuser lui-même, témoin ses paroles? Mon admiration enthousiaste et constante pour le génie de l'empereur, cette idolâtrie, ne m'aveuglèrent jamais sur le despotisme toujours croissant de l'Empire. Paul-Louis Courier, parlant de l'avènement de Napoléon au trône, dit « Que signifie, dis-moi, un homme comme lui, Bonaparte, soldat, chef d'armée, le premier capitaine du monde, vouloir qu'on l'appelle majesté, être Bonaparte et se faire sire ? Il aspire à descendre, mais non, il croit monter en s'égalant au roi. Il aime mieux un titre qu'un nom. Pauvre homme, ses idées sont au-dessous de sa fortune. Ce César l'entendait bien mieux, et aussi c'était un autre homme. Il ne prit point de titres usés, mais il fit de son nom un titre supérieur à celui des rois. » Note. Lettre à M. N., datée de Plaisance, mai 1804. Œuvre de Paul-Louis Courier, tome 3, page 51. Fin de note. Les talents vivants ont pris la route de la même indépendance. M. de Lamartine, à la tribune. Note. Dans son admirable discours du 26 mai 1840, sur la translation des restes mortels de Napoléon, il fit entendre ses prophétiques paroles. Quoique admirateur de ce grand homme, je n'ai pas un enthousiasme sans souvenir et sans prévoyance. Je ne me prosterne pas devant cette mémoire. Je ne suis pas de cette religion napoléonienne, de ce culte de la force que l'on veut depuis quelque temps substituer dans l'esprit de la nation à la religion sérieuse de la liberté. Je ne crois pas qu'il soit bon de déifier ainsi sans cesse la guerre, de surexciter ces bouillonnements déjà trop impétueux du sang français, qu'on nous représente comme impatients de couler après une trêve de 25 ans, comme si la paix qui est le bonheur et la gloire du monde pouvait être la honte des nations. J'ai bien vu un philosophe déifier aussi la gloire et diviniser ce fléau de Dieu. Je n'ai fait qu'en rire. Dans la bouche d'un philosophe, ces paradoxes brillants n'ont aucun danger. Ce n'est qu'un sophisme. Dans la bouche d'un homme d'État, cela prend un autre caractère. Les sophismes des gouvernements deviennent bientôt les crimes ou les malheurs des nations. Prenez garde de donner une pareille épée pour jouer à un pareil peuple. Fin de note. Monsieur de Latouche, dans la retraite. Dans deux ou trois de ses plus belles odes, M. Victor Hugo a prolongé ses nobles accents. Dans la nuit des forfaits, dans l'éclat des victoires, cet homme ignorant Dieu qui l'avait envoyé, etc. Enfin, à l'extérieur, le jugement européen était tout aussi sévère. Je ne citerai parmi les Anglais que le sentiment des hommes de l'opposition, lesquels s'accommodaient de tout dans notre révolution et la justifiaient de tout. Lisez Mackintosh dans sa plaidoirie pour Pelletier. Sheridan, à l'occasion de la paix d'Amiens, disait au Parlement « Quiconque arrive en Angleterre en sortant de France croit s'échapper d'un donjon pour respirer l'air et la vie de l'indépendance. » Lord Byron, dans son ode à Napoléon, le traite de la plus indigne manière. « Tis done but yesterday a king, and armed with kings to strive, and now thou art a nameless thing, so abject yet alive. » C'en est fait, hier encore un roi, et armé pour combattre les rois, et aujourd'hui tu es une chose, sans nom, si abjecte, vivant néanmoins. L'ode entière est de ce train. Chaque strophe enchérit sur l'autre, ce qui n'a pas empêché Lord Byron de célébrer le tombeau de Sainte-Hélène. Les poètes sont des oiseaux, tout bruit les fait chanter. Lorsque l'élite des esprits les plus divers se trouve d'accord dans un jugement, aucune admiration factice ou sincère, aucun arrangement de fait, aucun système imaginé après coup ne saurait infirmer la sentence. Quoi ? On pourrait, comme le fit Napoléon, substituer sa volonté aux lois, persécuter toute vie indépendante, se faire une joie de déshonorer les caractères, de troubler les existences, de violenter les mœurs particulières autant que les libertés publiques. Et les opinions généreuses qui s'élèveraient contre ces énormités seraient déclarées calomnieuses et blasphématrices. Qui voudrait défendre la cause du faible contre le fort, si le courage, exposé à la vengeance des viletés du présent, devait encore attendre le blâme des lâchetés de l'avenir? Cette illustre minorité, formée en partie des enfants des muses, devint graduellement la majorité nationale. Vers la fin de l'Empire, tout le monde détestait le despotisme impérial. Un reproche grave s'attachera à la mémoire de Bonaparte. Il rendit son joug si pesant que le sentiment hostile contre l'étranger s'en affaiblit, et qu'une invasion déplorable aujourd'hui en souvenir prit, au moment de son accomplissement, quelque chose d'une délivrance. C'est l'opinion républicaine même, énoncée par mon infortuné et brave ami Carrel. Le retour des Bourbons, avait dit à son tour Carnot, produisit en France un enthousiasme universel. Ils furent accueillis avec une effusion de cœur inexprimable, les anciens républicains partagèrent sincèrement les transports de la joie commune, Napoléon les avait particulièrement tant opprimés, toutes les classes de la société avaient tellement souffert qu'il ne se trouvait personne qui ne fût réellement dans l'ivresse. Il ne manque à la sanction de ces opinions qu'une autorité qui les confirme. Bonaparte s'est chargé d'en certifier la vérité. En prenant congé de ses soldats dans la cour de Fontainebleau, il confesse hautement que la France le rejette. La France elle-même, dit-il, a voulu d'autres destinées. Aveu inattendu et mémorable, dont rien ne peut diminuer le poids ni amoindrir la valeur. Dieu, en sa patiente éternité, amène tôt ou tard la justice. Dans les moments du sommeil apparent du ciel, il sera toujours beau que la désapprobation d'un honnête homme veille, et qu'elle demeure comme un frein à l'absolu pouvoir. La France ne reniera point les nobles âmes qui réclamèrent contre sa servitude, lorsque tout était prosterné, lorsqu'il y avait tant d'avantages à l'être, tant de grâces à recevoir pour des flatteries, tant de persécutions à recueillir pour des sincérités. Honneur donc aux Lafayette, aux De Staël, aux Benjamin Constant, aux Camille Jordan, aux Ducis, aux Lemercier, aux Langevinet, aux Chénier, qui, debout au milieu de la foule rampante des peuples et des rois, ont osé mépriser la victoire et protester contre la tyrannie. Le 2 avril, les sénateurs à qui l'on ne doit qu'un seul article de la charte de 1814, l'ignoble article qui leur conserve leur pension, décrétèrent la déchéance de Bonaparte. Si ce décret, libérateur pour la France, infâme pour ceux qui l'ont rendu, fait à l'espèce humaine un affront, en même temps il enseigne à la postérité le prix des grandeurs et de la fortune, quand elles ont dédaigné de s'asseoir sur les bases de la morale, de la justice et de la liberté. Décret du Sénat conservateur. Le Sénat conservateur, considérant que dans une monarchie constitutionnelle, le monarque n'existe qu'en vertu de la Constitution ou du pacte social, que Napoléon Bonaparte, pendant quelque temps d'un gouvernement ferme et prudent, avait donné à la nation des sujets de compter pour l'avenir sur des actes de sagesse et de justice, mais qu'ensuite il a déchiré le pacte qui l'unissait au peuple français, notamment en levant des impôts, en établissant des taxes autrement qu'en vertu de la loi, contre la teneur expresse du serment qu'il avait prêté à son avènement au trône, conformément à l'article 53 des constitutions du 28 Floréal en 12. Qu'il a commis cet attentat aux droits du peuple, lors même qu'il venait d'ajourner sans nécessité le corps législatif et de faire supprimer comme criminel un rapport de ce corps auquel il contestait son titre et son rapport à la représentation nationale, qu'il a entrepris une suite de guerres en violation de l'article 50 de l'acte des constitutions de l'an 8, qui veut que la déclaration de guerre soit proposée, discutée, décrétée et promulguée comme des lois, qu'il a, inconstitutionnellement, rendu plusieurs décrets portant peine de mort, nommément les deux décrets du 5 mars dernier, tendant à faire considérer comme nationale une guerre qui n'avait lieu que dans l'intérêt de son ambition démesurée, qu'il a violé les lois constitutionnelles par ses décrets sur les prisons d'État, qu'il a anéanti la responsabilité des ministres, confondu tous les pouvoirs et détruit l'indépendance des corps judiciaires. Considérant que la liberté de la presse, établie et consacrée comme l'un des droits de la nation, a été constamment soumise à la censure arbitraire de sa police, et qu'en même temps il s'est toujours servi de la presse pour remplir la France et l'Europe de faits controuvés, de maximes fausses, de doctrines favorables au despotisme et d'outrages contre les gouvernements étrangers, que des actes et rapports, entendus par le Sénat, ont subi des altérations dans la publication qui en a été faite. Considérant que, au lieu de régner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français, au terme de son serment, Napoléon a mis le comble au malheur de la patrie par son refus de traiter à des conditions que l'intérêt national obligeait d'accepter et qui ne compromettaient pas l'honneur français. Par l'abus qu'il a fait de tous les moyens qu'on lui a confiés en hommes et en argent, par l'abandon des blessés sans secours, sans pansement, sans subsistance, par différentes mesures dont les suites étaient la ruine des villes, la dépopulation des campagnes, la famine et les maladies contagieuses, considérant que, par toutes ces causes, le gouvernement impérial établi par le Senatus Consult du 28 Floréal an 12, ou 18 mai 1804, a cessé d'exister, et que le vœu manifeste de tous les Français appelle un ordre de choses dont le premier résultat soit le rétablissement de la paix générale et qui soit aussi l'époque d'une réconciliation solennelle entre tous les États de la grande famille européenne, le Sénat déclare et décrète ce qui suit. Napoléon déchu du trône, le droit d'hérédité aboli dans sa famille, le peuple français et l'armée déliés envers lui du serment de fidélité. Le Sénat romain fut moins dur lorsqu'il déclara Néron ennemi public. L'histoire n'est qu'une répétition des mêmes faits appliqués à des hommes et à des temps divers. Se représente-t-on l'empereur, lisant le document officiel à Fontainebleau, que devait-il penser de ce qu'il avait fait et des hommes qu'il avait appelés à la complicité de son oppression de nos libertés? Quand je publiai ma brochure de Bonaparte et des Bourbons, pouvais-je m'attendre à la voir amplifiée et convertie en décret de déchéance par le Sénat? Qui empêcha ces législateurs, au jour de la prospérité, de découvrir les maux dont ils reprochaient à Bonaparte d'être l'auteur, de s'apercevoir que la Constitution avait été violée? Quels ailes saisissaient tout à coup ces muets pour la liberté de la presse? Ceux qui avaient accablé Napoléon d'adulation au retour de chacune de ses guerres, comment trouvait-il maintenant qu'il ne les avait entreprises que dans l'intérêt de son ambition démesurée? Ceux qui lui avaient jeté tant de conscrits à dévorer, comment s'attendrissait-il soudain sur des soldats blessés, abandonnés sans secours, sans pansement, sans subsistance? Il y a des temps où l'on ne doit dépenser le mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux. Je le leur plains pour cette heure, parce qu'ils en auront encore besoin pendant et après les 100 jours. Lorsque je demande ce que Napoléon à Fontainebleau pensait des actes du Sénat, sa réponse était faite. Un ordre du jour du 5 avril 1814, non publié officiellement, mais recueilli dans divers journaux au dehors de la capitale, remerciait l'armée de sa fidélité en ajoutant « Le Sénat s'est permis de disposer du gouvernement français. Il a oublié qu'il doit à l'empereur le pouvoir dont il abuse maintenant, que c'est lui qui a sauvé une partie de ses membres de l'orage de la Révolution, tiré de l'obscurité et protégé l'autre contre la haine de la nation. Le Sénat se fonde sur les articles de la Constitution pour la renverser. Il ne rougit pas de faire des reproches à l'empereur sans remarquer que, comme premier corps de l'État, il a pris part à tous les événements. Le Sénat ne rougit pas de parler des libelles publiées contre les gouvernements étrangers. Il oublie qu'ils furent rédigés dans son sein. Si longtemps que la fortune s'est montrée fidèle à leur souverain, ces hommes sont restés fidèles et nulle plainte n'a été entendue sur les abus du pouvoir. Si l'empereur avait méprisé les hommes comme on le lui a reproché, alors le monde reconnaîtrait aujourd'hui qu'il a eu des raisons qui motivaient son mépris. C'est un hommage rendu par Bonaparte lui-même à la liberté de la presse. Il devait croire qu'elle avait quelque chose de bon puisqu'elle lui offrait un dernier abri et un dernier secours. Et moi qui me débat contre le temps, moi qui cherche à lui faire rendre compte de ce qu'il a vu, moi qui écris ceci si loin des événements passés, sous le règne de Philippe, héritier contrefait d'un si grand héritage, que suis-je entre les mains de ce temps, ce grand dévorateur des siècles que je croyais arrêté, de ce temps qui me fait pirouetter dans les espaces avec lui. Fin de la section 12.